dans la relation entre l'ego, entre l'homme et les forces occultes, il est très important de souligner que le développement d'une psychologie, d'une nouvelle psychologie telle que celle que j'annonce, la psychologie évolutionnaire, qu'une telle psychologie demande une étude réellement approfondie des relations entre l'homme et les plans subtils. Pour le commun des mortels, une psychologie évolutionnaire, c'est réellement une science qui permettra à l'homme, au niveau de son ego, de se consolider en relation avec la conscience sociale à l'intérieur de laquelle il est immergé. Par contre, il y aura des individus qui iront plus loin dans le développement de cette psychologie évolutionnaire-là. Et il y a certainement des individus qui se manifesteront une conscience plus occulte, c'est-à-dire une conscience pouvant tendre vers la jonction du lien universel. Et c'est réellement à ce niveau-là, que des signes doivent être établis fermement pour faire réaliser, comprendre et saisir à l'individu qui est en évolution rapide que les forces occultes ne doivent jamais être crues. Le mécanisme de la croyance, c'est un mécanisme qui fait partie de la psychologie évolutive. C'est un mécanisme qui est fondé sur l'appointement de l'homme en tant que victime des forces de vie. C'est un mécanisme qui est l'expression d'une condition de soumission. Et en ce qui concerne la relation avec les forces occultes, c'est un mécanisme qui est totalement détrimental à l'évolution de la conscience humaine, au développement de son intelligence, au développement de la volonté de l'homme. Et ce sera très, très important dans les annales futures de cette nouvelle psychologie-là, que finalement on entreprenne de guider l'homme d'une façon intelligente à travers les méandres de cette relation particulière qui existe entre l'ego et les plans subtils. La tendance que l'ego à croire aux forces occultes, ça fait partie de sa conscience périmée. Ce que j'appelle une conscience périmée, c'est une conscience non avertie. Donc, une conscience qui n'a pas la science des autres mondes. Tous les déboires qu'ont connus ou qu'ont subis les hommes au cours de l'évolution par rapport aux forces occultes, à quelque niveau que ce soit, ont été basés sur le fait que l'homme a cru. Pour un ego qui parle, c'est très, très difficile de s'imaginer comment on peut être en relation avec des plans d'intelligence quelconques, que ce soit astral ou mental, et qu'en même temps, on ne puisse pas les croire. Et la raison pour ça, c'est qu'on ne comprend pas ce que veut dire croire ou pas croire. C'est pas parce qu'on ne croit pas une personne ou une source d'intelligence qu'on n'est pas averti de quelque chose. Mais croire une source d'intelligence, c'est un acte de foi. Et un acte de foi en relation avec les forces occultes, c'est une soumission de nos outils de protection. Et l'homme aura payé un grand prix pour comprendre ça. Moi, j'en suis un des individus qui aura payé un grand prix pour comprendre ça. que toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui paye un prix pour comprendre quelque chose. Par contre, l'ego n'est pas toujours prêt à accepter le fait. Que certaines sciences aillent dans une direction qui ne font pas son affaire. L'homme aimerait être en contact avec des forces occultes et pouvoir les croire. Pourquoi? Premièrement, parce que ça lui donnerait un support extraordinaire. Donc, on revient encore au problème de soumission. On revient encore au problème de foi. Quand vous avez la foi au bon Dieu, vous avez la foi à Sainte-Thérèse, vous avez la foi à des saints, c'est pas grave, parce que vous ne traitez pas directement, télépathiquement, avec les plans occultes. C'est une sorte de rituel psychologique qui a été développé par l'Église, ou les Églises, ou les religions. Il y a une protection, là, parce que vous n'êtes pas impliqué psychiquement dans une conversation télépathique avec des plans invisibles. Mais quand vous êtes impliqué avec des plans invisibles, c'est un autre élevage. Il y a des saints, ce qu'on appelle des saints ou des mystiques qui l'ont été, Pépio, Frère André, qui ont vécu des initiations astrales dans leur chambre abominables, qu'eux autres ont interprété comme étant en contact avec les forces du mal. Pépio a énormément souffert de voir des matérialisations astrales dans sa chambre. Ça, c'est une dématérialisation, c'est pas des communications mentales encore. Donc, pour le commun des mortels, la prière, c'est un rituel qui est safe, qui est une sauvegarde. Parce que la prière n'engendre pas de dialogue. C'est un monologue, pas de dialogue avec les plans subtils. Hein, tu parleras à Saint-Joseph, il ne va pas te répondre. Tu ne vas pas entendre quelqu'un me dire hey, c'est moi Saint-Joseph, reste à telle place. Ça ne marche pas de même. Mais si tu parles à quelqu'un et dis c'est moi Saint-Joseph, je reste à telle place, là, tu es mieux de checker ton carnet d'adresse. Parce que là, tu n'es pas sûr. Tu ne le vois pas. Donc, le problème de croyance, il fait partie fondamentale de certains paramètres de la conscience humaine qui devront être totalement mis de côté, éliminés, quand l'homme va arriver à un point où il sera à la mesure d'entretenir un lien télépathique avec les liens universels. Communication télépathique avec les liens universels. Puis ça, c'est pas une revanche de l'initié contre l'occulte. Ça fait partie des lois que l'initié découvre dans sa progression difficile. Vous parlez avec eux autres, ils vont vous dire la même affaire. C'est pas coloré, ça. Sinon, l'homme ne peut pas développer de psychologie évolutionnaire. Une psychologie évolutionnaire, c'est une psychologie basée sur le mouvement dynamique de l'esprit à travers l'ego, dans un processus de développement historique qui peut durer des siècles, mais qui est toujours à la mesure de l'individu dans la contemporanéité de son expérience matérielle sur la Terre. Autrement dit, ce qu'on sait en 1995, ce qu'on saura en 2030, ce qu'on saura dans l'an 2200, ça va changer. Ça sera toujours dans la même direction, mais ça sera toujours en changement. Parce que l'homme est appelé, au cours de son évolution, à se libérer du joug de la quarantaine qui a fait partie de l'expérience de sa conscience terrestre. L'homme s'en va quelque part. Ses facultés vont et deviennent grandissantes. Son psychisme va se révéler à lui. L'homme va prendre conscience de son intérieur comme il n'a jamais pris conscience avant. mais il va passer par une phase de transition. Une phase très spirituelle. Le New Age, que moi j'appelle l'âge du ravage. Donc la relation entre l'ego et les forces occultes doit être une relation fondée sur la capacité de l'âme, en tant qu'être intelligent, de toujours rapatrier les forces vers lui, toujours ramener les forces vers lui, ramener les forces de vie vers lui, pour que l'homme en arrive au cours de son évolution à pouvoir contrôler sa destinée sur la Terre en tant qu'ego planétaire ou en tant que mortel conscientisé. Sinon, il demeurera un être en voie d'expérience. Bon, vivre l'expérience sur un plan psychologique inconscient, ça peut être le fun, ça peut ne pas l'être. On dit que ça fait partie de la vie. Mais vivre l'expérience sur un plan de psychologie plus avancé, plus conscientisé, plus contigu à des plans occultes avec lesquels vous pouvez être en communication télépathique, c'est une autre expérience. Parce que dans cette période-là, vous êtes temporairement démunis d'une vision globale parce que vous n'avez pas accès à l'agenda. Ils ne vont pas vous le dire. Parce que l'homme est en transmutation. Donc, c'est pas parce que l'homme est en communication avec les plans subtils qu'il va être à l'abri de certaines retenues d'informations, puisque ces retenues d'informations-là sont justement nécessaires pour la transmutation de ces corps. Sinon, il n'y aura pas de transmutation. Il n'y a pas un homme qui va se mettre, le pied dans l'eau chaude pour transmuter. Mais on peut vous dire que l'eau est froide. Tu te mets le pied dedans et elle est chaude. Là, tu as transmuté. Donc, le plus grand problème qu'aura l'homme au cours de l'évolution, dans son expérience, quelle que soit son expérience, parce que l'expérience occulte, ça varie avec les individus. Mais les êtres qui auront des expériences occultes assez avancées pour prendre conscience de la déchirure du voile du temps et de l'espace, ces êtres-là devront forcément être totalement libres de la croyance, de ce mécanisme fondamental qui a constitué la base de développement de l'ego de l'évolution. Par rapport aux puissances temporelles, par rapport aux puissances spirituelles. La conscience, c'est une infinité. C'est pas une particularité biologique d'une espèce. La conscience, c'est une infinité. Elle peut se manifester à travers un corps matériel, comme elle peut se manifester à travers un corps astral ou un corps éthérique. La conscience épouse toujours un mouvement d'énergie qui part d'un plan supérieur, tout le temps. Il va venir un temps dans l'évolution de l'homme où l'homme va prendre conscience de ça. Il va s'apercevoir que, oups, sa conscience vient d'ailleurs, la conscience vient d'ailleurs. La pensée vient d'ailleurs. Le petit moi puis le grand moi. Puis le moi planétaire et le moi universel. Il y a même une fusion au bout de ce processus-là. Mais dans ce processus-là, une fois que l'homme s'invite ou est invité par évolution, par programmation à se développer dans ce sens-là, il faut qu'il soit averti pour qu'il puisse reconnaître les pièges de l'évolution et qu'il puisse reconnaître que ce qui fonctionnait durant l'évolution ne peut pas être utilisé durant l'évolution. Sinon, il n'y a plus de protection. C'est là que l'homme vivra une initiation solaire. Donc, ça fait partie des lois occultes de tenter l'homme, toujours, de piéger l'homme, de voir jusqu'à quel point l'homme croit ou croira ou aura tendance à croire le lien universel. Est-ce que l'homme pourrait un jour croire le lien universel? Est-ce que l'homme pourrait un jour être en confiance suffisamment globale pour ne pas avoir à se protéger contre les forces occultes, les forces systémiques ou les forces astrales? Possiblement. Mais ça ne se produira pas tant qu'il n'y aura pas eu un contact visuel avec le plan mental. Quand il y aura eu un contact visuel, déjà, l'homme sera totalement un être solaire. Puis l'homme, d'ailleurs, à ce moment-là, n'appartiendra plus à la conscience de la Terre. Ça, c'est un mot clair. Moi, ça fait 25 ans là, que je ne sais pas combien d'années que je vis cette fusion-là. Sur le 9, on est quoi, 97, là? Ça fait combien d'années, ça? Sur le 9, 97. 28 ans, là. Encore le siècle, ça. Puis, une de mes grandes études encore aujourd'hui, c'est le mystère du mensonge. Si j'ai les forces, j'écrirai certainement sur ça un jour. Il y a tellement de livres que je vais écrire, je n'écris pas un. Si vous saviez jusqu'à quel point penser, c'est insuffisant, vous réaliseriez jusqu'à quel point la télépathie avec ces plans-là est fondamentalement nécessaire pour abolir le mensonge et comprendre les lois occultes du mensonge. Pourquoi le mensonge existe? Pourquoi est-ce que ça existe, le mensonge? Si le mensonge n'existait pas, on vivrait sur une planète privilégiée. Si le mensonge n'existait pas, la mort n'existerait pas. Si le mensonge n'existait pas, les formes de gouvernement qu'on connaît sur la Terre n'existeraient pas. Si le mensonge n'existait pas, l'homme serait en contact avec les mondes parallèles. Si le mensonge n'existait pas, l'homme aurait la connaissance infuse. Si l'homme avait la connaissance infuse, il aurait une science intacte. Une science intacte, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autonomie d'une race inférieure par les races supérieures, permettant à la race inférieure de disposer à volonté de toutes ses facultés qui font partie du lien universel. Donc l'homme aurait la connaissance de l'énergie à tous les niveaux. L'homme pourrait voyager dans le cosmos à tous les niveaux, à tous les plans, à toutes les vitesses. Parce qu'il y a différentes vitesses dépendant de différents espaces-temps. Il y a des endroits dans l'univers, il y a des mondes dans l'univers où les vitesses sont octroyées. Tu ne peux pas te promener d'un univers à un autre à une vitesse plus rapide que celle qui t'a été donnée le droit de visiter. Il y a des civilisations dans le monde, parce qu'il y a des rencontres, il y a des genres de summits, comme on appelle nous autres sur notre planète, sur la Terre. Il y a des civilisations qui se rencontrent à telle date. Et à ces dates-là, les vitesses de croisière leur sont données. Et si ces gens-là ne viennent pas à ces conférences-là, pour une raison ou une autre, ils perdent le droit de pouvoir se déplacer dans l'espace et le temps à ces vitesses de croisière-là qui sont maximales. Donc, ils perdent, c'est comme si ils perdent du pouvoir. Ils perdent le pouvoir, parce que le pouvoir, ultimement, dans l'univers local, est basé sur la vitesse de lumière. Plus tu vas vite, plus tu as du pouvoir. La traduction de ceci en termes humains, sur notre planète aujourd'hui, c'est l'information. On est à l'âge de l'information. Le pouvoir des Américains est basé sur le fait qu'ils ont atteint un niveau de how do you call process? Le processus d'information est tellement avancé aux États-Unis comparé avec d'autres pays que c'est ça qui leur donne le pouvoir. Puis au 21e siècle, les pays qui auront un grand niveau de possibilité au niveau de l'information seront les pays qui auront le plus de pouvoir par rapport à d'autres. Alors, au niveau systémique, c'est la même chose. Sur notre planète aujourd'hui, mais l'information, c'est encore connecté à la vitesse de la lumière. Même si c'est une lumière électromagnétique, c'est toujours basé sur la vitesse de la lumière. Les modems des computers, ça va plus vite. 14, 28, 56... Bonds. Alors, dans les univers parallèles, c'est la même chose. Donc, pour que l'homme en arrive éventuellement à traiter avec des notions qui ne font pas partie de sa culture, il faut qu'il s'habitue graduellement à ne pas croire s'il expérimente le contact avec un lien quelconque. Parce que l'homme n'est pas habilité pour le moment à comprendre l'agenda. Il y en a un agenda. Il viendra un temps où l'homme n'aura plus ce problème-là. Donc l'homme aura réellement une conscience jupitérienne. Il sera en évolution de conscience jupitérienne. L'homme sera en relation avec d'autres civilisations. Et à ce moment-là, les barrières qui auront fait partie de son évolution seront levées. La quarantaine sera levée, puis l'homme deviendra libre, et la conscience mourra au ciel, donc l'immortalité de la conscience fera partie de la conscience de la terre. La maladie n'existera plus, puis la mort astrale n'existera plus. Quand l'homme mourra, il aura conscience pour au ciel. Mais avant que ces temps-là arrivent, l'homme doit, en tant qu'être ou en tant que race en évolution, se protéger contre un trop grand désir d'appartenir psychologiquement à des mondes dont les lois sont totalement différentes des siennes. C'est difficile pour un être humain de comprendre objectivement le danger de la croyance, parce que la croyance, ça fait partie des lois de l'évolution. J'ai rien contre le fait que l'homme de l'évolution croit. J'ai rien contre le fait que ma mère croit à Saint-Joseph. Ça fait partie de l'évolution, c'est dans le cadre de l'évolution. C'est bon d'ailleurs pour elle de croire à Saint-Joseph. Mais quand l'homme passe de l'évolution à l'évolution, et que ses centres commencent à s'ouvrir, et que la télépathie commence à s'établir, et que le mécanisme de la pensée involutive, subjective, commence à s'effondrer, pour donner naissance à une nouvelle pensée, une pensée plus transparente, plus prépersonnelle, plus télépathique, une conscience plus psychique. Il faut absolument qu'il se protège. Donc l'ego devra se protéger dans sa relation avec les forces occultes. Mon rôle, c'est de donner une science pour l'avenir. C'est pas tenir l'homme par la main. Le plus que je peux faire, c'est de parler en public ou d'écrire. Il y a trois sortes de forces occultes dans l'univers systémique. Il y a les forces qu'on appelle luciférienne, ce sont des forces occultes. Il y a les forces sataniques, ce sont des forces occultes. Puis il y a des forces de la lumière. Puis les forces de la lumière n'ont pas encore été décrites chez l'homme, pour l'homme. Parce que les forces de la lumière font partie de la reconnaissance de sa conscience. Quand l'homme aura la reconnaissance de sa conscience, l'homme aura la compréhension des forces de lumière à un autre niveau ou d'une autre manière qu'il a eu pendant l'évolution. Mais techniquement, ces trois plans d'énergie-là, luciférien, satanique et les forces de lumière, font partie des forces systémiques qui contrôlent l'évolution des âmes, donc qui contrôlent l'évolution des vagues de vie incarnées qu'on appelle les âmes. Le rôle des forces lucifériennes, c'est d'engendrer dans la conscience humaine suffisamment de crainte pour que l'âme reste rattachée au corps physique. C'est la crainte qui fait que l'âme reste rattachée au corps physique. Il y a des êtres qui vivent des grandes souffrances sur la terre, puis ils ont le goût de vivre encore. Le rôle des forces sataniques, c'est de créer dans la conscience humaine le partage de sa conscience, c'est-à-dire de créer chez l'homme la réflexion de son ego. Ça, c'est leur rôle, c'est leur job. On ne peut pas y blâmer, c'est pas vrai. Le satanisme, ce n'est pas simplement une valeur morale attribuée à des dominions, ou attribuée à des civilisations, ou attribuée à des états-majors. Il y a des états-majors qui sont sataniques. C'est leur rôle. C'est un rôle qui dure depuis très longtemps. C'est ça qui a permis à l'âme de venir dans la matière, de rester là. Que le phénomène de la mort s'épuise. Que l'homme développe un ego, et ainsi de suite. Donc ces forces cosmiques-là ont un rôle à jouer. Un rôle qui en arrivera finalement à être remplacé par d'autres forces qu'on appelle les forces de lumière. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle les forces de lumière les forces de lumière? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas un nom? Parce qu'on est des êtres spirituels. La lumière, c'est simple. Il n'y a rien qui vous dit, il n'y a rien qui dit qu'un homme qui viendra en contact avec les forces de lumière n'est pas un choc non plus. Il n'y a rien qui vous assure que les forces de lumière, c'est des beaux grands, c'est des grands blonds avec des beaux yeux bleus. Ça fait partie des projections astrales de la conscience spirituelle de l'âme. Le point que je veux faire, c'est de vous faire comprendre que la liaison télépathique avec le plan mental donnera à l'homme ce qu'on appelle le lien universel. Le lien universel sera confirmé sur la Terre en l'an 2060, dans ce bout-là. Pas confirmé encore. Il sera confirmé dans le bout-là. Quand le lien universel sur la Terre sera confirmé, à ce moment-là, il y aura contact automatique avec d'autres civilisations sur la Terre, dans des conditions contrôlées. Mais il y aura contact officiel entre les autres civilisations et l'homme, de la Terre. Parce qu'un lien universel, c'est techniquement un contrat politique qui permet à des intelligences dans des mondes parallèles de communiquer par télépathie avec d'autres intelligences dans d'autres mondes parallèles. Parce qu'on est un monde parallèle par rapport à eux autres. Par contre, un lien universel n'est pas concrétisé tant qu'il n'y a pas matérialisation éthérique de ces intelligences-là. Quand il y aura matérialisation éthérique de ces intelligences-là sur la Terre, c'est évident qu'il y a des hommes sur un plan individuel qui vivront des expériences particulières qui leur permettront finalement de venir en contact avec des points telluriques de la Terre et rentrer dans des dimensions parallèles de la conscience systémique, planétaire, terrestre. À ce moment-là, bien, l'homme travaillera en science avec d'autres intelligences dans des coins un petit peu voilés à l'humanité. Et ça fera partie de la nouvelle régence planétaire. Mais pour que l'homme puisse s'instituer en tant qu'être conscient, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il découvre à travers sa propre expérience ou à travers l'expérience d'autres. Il faut qu'il apprenne et qu'il découvre les lois occultes. Et la découverte des lois occultes, le principe fondamental de la découverte des lois occultes, c'est la découverte du mensonge. Parce que le mensonge est responsable pour la séparation des mondes. Si le mensonge n'existait pas, il n'y aurait aucune invisibilité entre les planètes. C'est le mensonge qui crée l'invisibilité. Et quand on parle du mensonge en fonction de l'organisation systémique des mondes ou des plans, on ne parle pas de mensonge dans le sens simplement psychologique.